t'attendent dans les prés, de primes verts parsemés. Une nef change de peau dans son beau tombeau de soie enroulée. En attendant, elle entend sur les vibrations du vent les violons de la Voie lactée qui lui joue l'éternité. Depuis des siècles qu'elle dort, qu'elle rêve aux ailes d'or, qu'elle volera au soleil le jour du réveil à l'amour. Papillon pur voyageur sur les ailes de la lumière, volant zigzag dans les airs sous un ciel ébarloui de bonheur. Dans les jardins de l'été, sur des courants de tendresse, fait danser des mille beautés. De fleur en fleur, allégresse, alléluia dans les bois, avec les oiseaux de joie, sur la fugue du des cieux. Bois la liqueur d'ambroisie, sème les parfums de la vie dans les cœurs, laisse ton feu doux embraser. Prends garde de te brûler à la flamme de la chandelle dans le jardin.